À la jeunesse sous pression. Sans système tonne, que le système tombe. Salut tout le monde, vous êtes à l'écoute de Souspression, émission de Punk Sky Core francophone qui diffuse à toutes les semaines à partir de souspressionpunk.com. On est enregistré à Ottawa, sur le territoire algonquin, et on peut aussi nous écouter en ondes à la radio terrestre à partir du CHU 39,1 FM à Ottawa et le CVR 103,5 FM à Yellowknife. Moi c'est Mathieu et je vais vous faire jouer du Punk Sky Hardcore pendant environ une heure là. Et une bonne émission de planifier pour vous cette semaine, c'est la 399e émission. La semaine prochaine, ça sera la 400e, alors j'essaie de créer quelque chose d'un peu spécial pour ça. Mais cette semaine, ça sera quand même une bonne émission. On va commencer avec Diego Palavas. Je viens d'apprendre récemment là, que Bat Bat du groupe Diego Palavas, le chanteur, sera en tournée au Québec du 8 juillet au 18 juillet. Va faire plusieurs arrêts avec Noé Talbot du groupe Fortune Cookie Club. Ils feront aussi quelques concerts avec Guerrier Poubelle. Alors je vais commencer avec Diego Palavas, jouer un peu de groupe Fortune Cookie Club après. Cette chanson aussi de leur album Expédition Punitive, le morceau Je suis sans. Alors voici du Diego Palavas sous pression. défends ton bourreau. Grâce à lui, t'achèteras ton bandeau. Salut, on vient d'écouter du Nick à feu de leur split Mangeoire avec le groupe Fortune Cookie Club. C'était le morceau 15-2, 15-4. Du Justine avant ça de leur album 06-72-43-58-15. Le morceau Élysée reclus. La cavale de leur EP pour le meilleur et pour le punk. On écoutait le morceau Robot du Fortune Cookie Club avant ça avec les mots de leur plus récent EP passé l'âge d'or. Et on a commencé avec du Diego Palavas. De l'album Expédition Punitive, le morceau Je suis sans. Comme j'ai dit tout à l'heure, Diego Palavas, le chanteur Batbat, sera en tournée avec Noé Talbot, le chanteur de Fortune Cookie Club au Québec. Il y a de l'info sur le site web souspressionpunk.com. Vous pouvez aussi les trouver les détails sur le site, la page Facebook de Diego Palavas. Alors, c'est ça, on va continuer en musique maintenant avec du Front commun. Le groupe a sorti un EP, il s'appelle Désordre, sur le label LSC Records. Franchement, LSC Records, je pense peut-être comme de quoi, la 4e, 5e EP cassette qui ont sorti cette année. Vraiment bon, on dirait, j'ai l'impression qu'à tous les deux semaines, ils nous sortent quelque chose de nouveau sur ce label-là, puis c'est toujours vraiment bon, comme du Front commun, évidemment. Béton armé, force majeure. En tout cas, je vais faire jouer le morceau Justice pour personne de Front commun de leur EP Désordre. Alors, c'est ça, voici du Front commun. Salut, c'est toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter du Camera Silence de leur album Réalité, le morceau Camera Silence, du Asile avant ça, de l'album Kitschy Pis Toxic, c'était le morceau Somnambule. Et on a commencé le dernier bloc avec du Front commun de leur nouvelle EP, Désordre, sorti sur LSE Records. C'était le morceau Justice pour personne. Alors là, on est rendu à mi-chemin de l'émission, alors si vous écoutez à la radio, allez checker souspressionpunk.com, le site web de l'émission. Et si vous écoutez à partir du site web, ben merci. On a aussi une présence sur Facebook, c'est facebook.com/sous-pression. Alors, si vous êtes sur Facebook, vous savez comment ça marche. Vous allez visiter ça, vous cliquez « J'aime » et là, le tout s'arrange après ça. On est aussi, vous pouvez aussi contacter par courriel info@sous-pressionpunk.com. info@sous-pressionpunk.com. Alors, si vous avez de la musique que vous voulez partager, vous avez des questions, des demandes spéciales, n'importe quoi, là, envoyez un message. Et c'est ça. Alors là, on continue au moment de l'émission Bloc Sono Mondial. C'est l'émission Sous Pression, c'est l'émission de Punk Sky Hardcore francophone. Mais Sono Mondial, c'est quand on sort un peu de la francophonie. On fait jouer des groupes un peu partout dans le monde. Cette semaine, je vais jouer un groupe du Brésil. Le groupe s'appelle Stouts. J'ai dit, je fais jouer, je pense, en 2016. Ça fait presque 2 ans. Je vais faire jouer 2 de leurs morceaux tirés de l'album Pelos Trios da Vela Sorocaba. Les 2 morceaux que je vais faire jouer, c'est Classe Operaria et le morceau Realidade. Realidade, je l'ai fait jouer la dernière fois que j'ai fait jouer le Stouts en onde. C'est une reprise de Camera Silence, alors je pouvais pas m'empêcher qu'il fallait que je la fasse jouer une deuxième fois. Alors ça, je vais faire jouer du Stouts à sous pression. Vida me ensinou. Pra mim, o peito, o poder. C'était Stouts avec Classe Operaria et Realidade. On continue maintenant avec Raymond et les Blancs-Becs et leur morceau Foot Bollocks. Carton rouge.

quatre salopards est venue chez moi. Leur gueule masquée par un foulard chevauchant l'effroi. Ils ont pénétré ma demeure, le corps de ma femme. Mes gosses les perturbant dans leur labeur, ils ont volé leurs armes. I'm on a railroad and I'm waiting, waiting for last train. Ivre encore une fois, saisissant l'ampleur du cauchemar à la vue des proies. J'ai poursuivi ces fils de chiens et le sang a giclé. J'avais leur crime maculé entre mes mains et mes larmes sont coulées. I'm on a railroad and I'm waiting, waiting for the last train. Salut, on vient d'écouter du Roberto and the Moods. Le morceau Last Train est tiré de leur démo, du Dynamite Express avant ça, de leur hippie du même, de leur hippie éponyme. C'était le morceau Train de vie du Frabator avant ça, avec le morceau Enragé. Poésie Zéro avec Coupe du Monde de Pogo, et on a commencé le dernier bloc avec Ziremonde et les Blancs-Bec, de leur album Tout le monde à l'usine, le morceau Footballox. Alors c'est ça, l'émission pour la semaine est terminée. Mais je vais vous laisser avec un dernier morceau du Los Tres Puntos de leur album Aficionados, un petit morceau en espagnol, le morceau Altamar. Je vais vous laisser avec ça, mais avant de vous quitter, je veux vous rappeler, et la semaine prochaine, je pense que j'en ai parlé au début de l'émission, mais là je me rappelle plus, là. la semaine prochaine, ça va être le 400e épisode de Sous Pression, ben, plus ou moins, là, c'est, après 8 ans de radio, c'est, des fois c'est un peu inévitable de perdre le compte et d'oublier une émission, une ou deux épisodes ici et là, mais en tout cas. Numéro 400 la semaine prochaine, et pour marquer l'événement, pour fêter, ce qu'on va faire, c'est un peu comme un pas un c'est top 10, mais comme un meilleur de sous pression, les chansons qu'on jouait, qu'on a joué le plus souvent à l'émission pendant 400 émissions, pendant 8 ans. Alors, restez à l'écoute pour ça. La semaine prochaine, ça va être super cool. Je suis en train de, déjà de compter toutes les fois que j'ai fait jouer chaque groupe. Et, ben, pas chaque groupe, mais t'sais, plusieurs groupes. Et compter le nombre de chansons et quelles chansons on a passé le plus souvent en ondes. C'est un travail qui prend bien du temps, mais c'est vraiment intéressant. C'est cool de voir qui... En tout cas, il y a eu une couple de surprises. Même moi, j'étais surpris. Alors, je vais vous laisser avec un dernier morceau de Los Tres Puntos. Passez une excellente semaine. Il fait très beau et très chaud ici où je suis en ce moment à Ottawa. Alors, s'il fait beau, s'il fait chaud, vous êtes en ce moment, allez dehors et profitez-en. Voici du Los Tres Puntos. Resistencia tenga, por los fondos acabaste más fuerte que tú encontraste.